je vais vous présenter un cas de découverte et mise en valeur d'un site antique, qui est un site portuaire, qui est le site de Marseille, en France, que je connais bien, pour y avoir effectivement participé aux fouilles archéologiques de découverte des vestiges qui n'étaient pas connus, et la mise en valeur du musée de site, puis de musée d'histoire, qui a été implanté en bordure de ce site archéologique. C'est ça. Marseille, comme l'a dit Guylaine hier, c'est un peu comme Alexandrie. Elle a été connue pendant des siècles par ses textes uniquement, beaucoup de textes qui racontent l'implantation de Marseille, l'arrivée, son organisation spatiale, qui décrivaient ses temples, qui décrivaient la fréquentation de son port, un certain nombre de détails quand même importants pour une ville, mais aucun vestige n'était connu, n'avait été repéré, n'avait été conservé dans la ville existante, donc qui a été fondée par les Phocéens au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ça fait partie des colonies phocéennes ou grecques qui ont commencé, des colonies et des comptoirs, il y a comptoirs et colonies, plutôt un comptoir au départ en tout cas, qui ont été créés entre le 9e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, depuis l'Asie mineure, vers la mer Noire, vers la Méditerranée occidentale, et majoritairement sous la pression perse. Donc les populations et les royaumes de la bordure de la mer Égée ont été poussés dehors par les Perses qui voulaient accéder à la mer et ont fondé un certain nombre de colonies en mer Noire et en mer Méditerranée et orientale et occidentale. Phocée a été la dernière à partir avec une population assez importante et a fondé cette nouvelle colonie sur les rivages de la Méditerranée occidentale au 6e avant. C'est la dernière colonie et c'est la dernière implantation, et c'est l'implantation la plus extrême occidentale en fait. Mais donc autant on connaissait cette histoire, cette implantation par les textes, par la légende de la fondation, par l'activité commerciale qui s'est développée à partir du 6e avant jusqu'à la période romaine vers le 3e après Jésus-Christ. Autant, comme je vous disais, il n'y avait pas de traces visibles dans la cité de cette occupation antique. Depuis la Première Guerre mondiale, il faut que je vous montre d'abord une image peut-être et on reviendra, je reviendrai en arrière. Pourquoi c'est si loin, c'est pas normal. Bon, il y a une photo peut-être qui a sauté alors. Excusez-moi, je vous montre tout à l'avance. Comment on fait pour revenir en arrière? Non. Ah, il est parti, ça erre. Comment on fait pour revenir en arrière? Les flèches arrière. Ah, mais il faut qu'il me mette ça en place parce que. Oulala. Bon, alors tant pis. C'est plus simple. Je vais voir quand on tombera sur la photo, je sais pas. Je voulais vous montrer en fait une photographie de. Aérienne de Marseille avec le port antique et le port contemporain. Tant pis, on tombera dessus. Vous connaissez certainement tous Marseille ? Et voilà, oui. Non, ça c'est une photo ancienne. Bon, peu importe. Donc depuis le 19e siècle et le 20e siècle, Marseille qui a une ouverture sur la mer et qui n'a pas beaucoup d'ouverture sur l'arrière-pays, en particulier vers l'arrière-pays côté Aix et côté Interland, avait programmé des projets urbains continus de façon à pouvoir ouvrir un accès depuis l'arrière-pays et s'implanter en bordure du port. Évidemment, c'était mieux avec l'image, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc, il y a eu une centaine de projets urbains qui n'ont jamais abouti parce que, justement, se profilaient vaguement dans l'esprit des archéologues qu'il devait bien y avoir des vestiges et qu'on allait se mettre dans une situation urbanistique compliquée pour avoir un projet qui puisse se dérouler rapidement. Ça a été quand même le cas après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a eu une destruction des campagnes d'assainissement et une destruction de ces quartiers anciens, de façon à pouvoir éradiquer les maladies qui se développaient à ce moment-là, le choléra en particulier. Et donc, avec l'évolution de l'hygiène et des volontés d'adduction d'eau en ville, etc., il y a eu des destructions de quartiers périphériques au port. On en voit ici des images anciennes, dans la perspective d'enfin construire ce nouveau quartier qui serait un quartier d'accueil commercial et d'installation d'infrastructures d'accueil, de commerce, essentiellement de magasins, d'entrepôts, etc. À l'occasion de ces destructions, des archéologues qui émergent à l'époque, au XIXe siècle, qui connaissaient bien les textes, ont été tentés de faire des sondages et de creuser dans ces terrains libérés de leur construction. Il faut imaginer que les constructions qui se trouvaient sur l'espace qui est actuellement détruit là au premier plan étaient celles que l'on voit, c'est la maison classique de Marseille des 17e, 18e siècle à trois fenêtres, assez haute. Donc c'est vrai que si on n'a pas une vraie raison de détruire ces bâtiments, on ne le fait pas. Donc là, les raisons étaient des raisons hygiénistes. Voilà l'ambiance de ces quartiers, des ruelles étroites, c'est vrai, une pauvreté, une insalubrité due à l'absence de lumière, promiscuité, beaucoup de monde, souvent de l'immigration, habitant et s'entassant dans ces maisons-là, d'où cette décision de destruction, voilà, de plus près. Pour ceux qui connaissent Marseille, c'est la poste Colbert, c'est-à-dire la rue qui arrive du port et qui monte vers la porte d'Aix, qui est cette espèce de carrefour qui permet de sortir de Marseille, une espèce de grande rue qui est probablement un quart d'eau antique, qui arrive du sud, qui va vers le nord, et qui est probablement le tracé d'une rue antique, comme on l'a découvert en parallèle à l'intérieur du site, puisque tous ces amas de pierres qui sont au premier plan vont être ce qu'on va appeler par la suite le site de la bourse, puisqu'on est derrière la chambre de commerce, la bourse de commerce. Il va faire l'objet de fouilles petit à petit, puis en continu sur, on va dire, de 1913 à 1970, pour devenir aujourd'hui, puis pendant 10 ans, des fouilles programmées pour être aujourd'hui le site archéologique de la Bourse, donc vierge de toutes ces... Mais quasiment, il faut imaginer que c'est quasiment un siècle, presque un siècle, 75 ans, entre 75 ans et un siècle, pour que ce site soit enfin pris en compte, reconnu, fouillé, dégagé, laissé en stand-by et mis en valeur. Donc c'est pour dire à quel point c'est long quand même de faire comprendre l'importance pour une cité. On est en milieu urbain, donc c'est vrai que c'est plus difficile qu'à la campagne peut-être. De l'intérêt de la conservation et de la mise en valeur de vestiges archéologiques, si tant est qu'on puisse effectivement les... Ben, c'est pas bon, dommage. Est-ce que vous voyez qu'on est dans un trou? Qu'à droite, il y a une échelle. J'ai fait des photos pixelisées de publications de vieilles photographies. Et à gauche, vous avez un mur. C'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, on a un mur en grand appareil. Vous le voyez? Et à droite, donc, on a en fait un sondage très profond, de plusieurs mètres, de plus de 10 mètres de profondeur, avec une échelle. Et on a ici les pieds des archéologues, dont Henri de Gérard-Ricard, qui est un collectionneur et un archéologue de la fin du 19e, début 20e, qui a réussi à faire réaliser ces sondages pour vérifier si, dans ce secteur, on n'avait pas quand même des témoignages de l'époque antique. Et il a trouvé la pièce qu'il fallait trouver, le document qu'il fallait trouver. C'est ce grand mur, bâti en grand appareil, qu'on a appelé le mur de Crinas. Ah, merci beaucoup, Marido. C'est les premiers chats du matin, ça va aller après. qu'il a interprété dès le début comme le rempart dû aux libéralités de Crinas, qui était à l'époque de Néron, un riche marchand de Marseille. Et donc on connaissait Marseille, comme je vous l'ai dit, très bien, la Marseille antique, par beaucoup de textes, soit de grands auteurs comme Aristote ou Strabon, ou des inscriptions qui donnaient beaucoup d'informations sur l'aménagement de la ville, ses situations, etc. Et donc Crinas est un grand personnage qui a mis sa fortune pour la construction d'un mur de défense à Marseille à l'époque de Néron. Donc c'est bien daté, bien identifié, etc. Et dès que Gérard Ricard a découvert avec son équipe ce grand mur très bien appareillé en hauteur, très large, de presque 2 mètres de large, etc., il a pensé qu'il se trouvait devant ce fameux mur de Crinas, bien connu par la littérature. Et il l'appelait comme ça, et il a surtout fait quelque chose de magnifique, c'est cette chose-là. Il l'a déclaré comme monument historique en 1913. Et c'est grâce à cette espèce de réflexe patrimonial un peu précoce, on pourrait dire, c'est-à-dire de classement d'un ouvrage en pierre qu'il estimait un ouvrage d'art sur la liste des monuments historiques nationaux, c'est-à-dire classé patrimoine national, qu'il a pu pour l'avenir absolument geler les tentatives éventuellement de destruction et de construction sur ce secteur. Et cet acte est fondamental et je trouve qu'il est très emblématique de ce qu'on peut faire dans des situations où on n'est pas sûr effectivement de développer ni les fouilles ni la recherche autour de secteurs archéologiques, mais on peut les geler véritablement grâce à la législation, d'où l'importance évidemment de mettre en place une législation qui est claire et qui devrait être coercitive si elle est appliquée et respectée, ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr aussi. C'est un peu le problème, mais c'est en même temps une garantie que pour ceux qui le veulent et qui sont sensibilisés à cette question de conservation, développement et mise en valeur du patrimoine, on leur donne un outil et cet outil est fondamental. Donc je trouve que c'est vraiment le moment clé qui a permis aujourd'hui de développer ce secteur et de sensibiliser une Marseille qui est contemporaine, qui n'est absolument pas sensible à la culture et qui n'a jamais beaucoup été d'ailleurs, par le fait de l'intervention de la législation nationale. Donc je recommande le classement sur tous les secteurs, dans tous les lieux, autant que possible, car vous savez que toutes les législations grosso modo se ressemblent et dans tous les pays on a cette législation classique, mais on n'y croit pas parce que souvent elle n'est pas appliquée. Or c'est un outil véritablement. Je milite pour l'outil législatif. Donc ce mur de Crinas qui a été découvert dans cette tranchée a été remblayé puisqu'il n'était pas, puisque la Première Guerre mondiale s'est déclenchée immédiatement après. Il n'a plus été question d'embellir et développer la ville. On avait d'autres chats à fouetter et on envoyait plutôt les manœuvres et les soldats sur le front plutôt que de s'occuper de développer la ville. Puis, après la Première Guerre mondiale, on s'est remis un peu de ses plaies, on n'a pas remis sur le tapis des projets d'embellissement non plus. Pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu également de nouveaux projets de développement de ce quartier, toujours dans cette tentative de lier le port, tout, très enclavé. Le port de Marseille est un port profond, très enclavé dans les terres, et donc il est très difficile de ressortir de Marseille vers l'Interland si on ne crée pas un axe. Donc on cherchait toujours à créer cet axe et développer des voies larges pour aller vers l'Interland par des dispositifs de construction et de création de voies. Mais c'était très long à mettre en place. Puis, entre deux guerres, donc on a essayé à nouveau de développer ce quartier. Ça ne s'est pas fait. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée là-dessus, donc pas non plus question de remettre sur le tapis le développement de ces projets d'ouverture urbaine. Et il a fallu attendre, enfin, on a attendu les années 70 pour se mettre à réellement reprendre ces projets d'urbanisation, enfin, de nouvelle urbanisation de ce quartier, pour deux ou trois raisons évidentes. On est dans une croissance économique importante, c'est le début des 30 glorieuses, il y a de l'argent, il y a des projets de reconstruction, il y a des projets tout court. Il y a aussi un phénomène qui se développe très vite, c'est la voiture. La voiture est très commode, mais elle est très embarrassante dans des villes très étroites comme celle-là. Le dispositif de la ville du 17e est encore plus compliqué à gérer entre l'ouverture vers l'arrière-pays et l'arrivée dans le port qui est très développé justement dans ces années-là. Et donc la ville prend enfin la décision de détruire ces quartiers complètement et de mettre en place un grand projet, un grand mall, un grand projet de développement qu'on va appeler le plan du centre bourse derrière la bourse de commerce, qui est voué au commerce et aussi au parking et à des dispositifs marchands. Donc en revanche, la législation n'avait pas davantage pris en considération le risque qu'on a appelé par la suite le risque archéologique. Donc en fait, les promoteurs sont partis bien en tête avec les bulldozers et ont commencé à creuser les fondations du centre commercial qui était dont le niveau était aplani par rapport aux maisons du 17e, mais les vestiges n'étaient toujours pas visibles, puisque je vous rappelle que le mur de Crinas était en profondeur, le mur de Crinas qui est ici sur la droite là maintenant et en élévation, était en profondeur de 10 mètres par rapport au terrain qu'attaquaient les promoteurs. Le terrain était au niveau de la route que vous voyez, donc une quinzaine de mètres au-dessus de ce mur de Crinas qu'on avait pieusement oublié, dont on avait oublié l'existence au plus profond du terrain. Heureusement que le ministère de la Culture veillait, parce qu'il y avait là un monument historique, et le ministre de la Culture de l'époque était quelqu'un qui était un personnage fort, c'était André Malraux, qui s'est adressé au maire de Marseille, qui était également un personnage fort de l'époque, qui était Gaston Defer, à qui il a dit « Vous ne pouvez pas engager ces travaux du centre-bourg sans fouille préalable, parce que vous avez là un monument historique. » Et le monument historique du mur de Crinas, qui n'était pas rien, parce qu'il était quand même très puissant et présent, il s'agissait probablement d'un rempart, on ne savait pas encore de quelle époque, ce monument historique oblige à la fouille et à la conservation sur un rayon de 500 mètres autour du monument historique de reconnaissance avant toute construction. Ça vous paraît peut-être, les jeunes, une période archaïque, mais il a fallu de hautes luttes, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez la législation qui oblige à des fouilles préalables, des sondages, fouilles préalables, conservation éventuelle, modification du projet de construction. Tout ça, nous l'avons, notre génération, les plus anciens, l'a conquis de hautes luttes en se battant pied à pied avec les promoteurs pour lesquels il n'allait pas de soi de passer par la phase de fouilles archéologiques, même de sondage, parce que c'est autant d'argent qui est perdu sur le projet de construction, et ça peut prendre des années et des années, ou bien induire des modifications de projet de mise en valeur du projet commercial ou du projet urbain, et aussi parallèlement de projets de mise en valeur du site archéologique, car il est à prendre partiellement dans le budget et l'escarcelle du promoteur. Donc, les promoteurs ne voulaient pas entendre parler de ce genre de choses et la législation n'existait pas. En revanche, lorsque le ministère de la Culture s'est mêlé de la chose en disant « Vous ne pouvez pas », Le maire de Marseille a commencé par dire « c'est pas quelques pierres, quelques vieilles pierres qui vont m'empêcher de développer un projet fondamental pour l'économie de la ville et qu'on attend depuis le début du XXe siècle, on était dans les années 70, démontez-moi ces pierres et allez-y les promoteurs, construisez votre... votre centre commercial. » Soit quoi, donc, André Malraux a répondu en promulguant un arrêté de fouille, c'est-à-dire en obligeant, en arrêtant par décret, par arrêté, pardon, en arrêtant le démarrage des creusements. Enfin, des travaux du centre commercial et en obligeant la ville de Marseille par arrêté à fouiller. Donc il s'agissait d'une situation extrêmement tendue, d'une situation violente d'opposition entre l'État et la ville. Donc pas facile de faire des fouilles à ce moment-là. Donc là encore, on est passé par une négociation, il n'y a que comme ça. Même si la loi était du côté de l'archéologie, il y a des moments où vous ne pouvez pas vous opposer à un maire aussi important d'une ville aussi importante en France que Marseille. Donc c'est un cas de figure particulier devant un projet important économique pour la ville. Donc le ministère de la Culture a pu négocier avec la ville une proposition. La proposition qui a été agréée finalement entre le ministère de la Culture et la ville de Marseille, c'était on fouille entièrement ce secteur, on fait d'abord quelques sondages et on vérifie dans les 500 mètres carrés de rayon autour du fameux mur de Crinas, on vérifie ce qui existe, s'il existe un risque archéologique et une confirmation d'occupation de l'espace, vous devez changer le programme urbanistique et l'emplacement du site commercial. Ce qui fut fait, donc il y a eu des campagnes rapides de sondage et on a découvert très vite que ce mur de Crinas en fait était lié à une tour qui lui-même ici par deux murs était lié à une autre tour dont le parement était conservé, lié à d'autres éléments de rempart jusqu'à la tour qui donnait sur le port antique qui se trouvait ici. Et qu'on était en face à la façade portuaire et monumentale de l'entrée sud de la ville grecque du 6e et du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc dès que ces sondages, là vous avez le résultat des fouilles, hein, donc il ne s'agissait pas de ça, mais les sondages ont permis, il ne s'agissait pas de cette visibilité là. Dès que les sondages ont permis de reconnaître sur ce terrain qu'on était en face de quelque chose de fondamental pour l'histoire de la France, pour l'histoire nationale et l'histoire d'un port en Méditerranée, et qu'on était vraiment devant la plus vieille ville de France, la plus vieille cité fondée au 6e siècle, la première cité grecque de France, et qu'on était grec oriental de France, qu'on était devant quelque chose qui correspondait au texte qu'on connaissait, le résultat était que le site a été... On a décidé de le conserver, de le mettre en valeur pour des raisons de sens au niveau national et de l'histoire de la France. Donc, effectivement, le classement du mur de Crinas n'était plus du tout le mur de Néron, mais bien apparemment, pour le coup, de l'époque hellénistique du 3e siècle avant Jésus-Christ, de la ville grecque, a permis de prendre cette décision et d'entamer une fouille programmée, pour le coup, même pas une fouille d'urgence, une fouille programmée sur plus de 10 ans de ce site archéologique primordial pour l'histoire de la France et de la Méditerranée en général, vraiment au niveau de la Méditerranée. Donc les promoteurs, furibards, évidemment, ont dû modifier leur projet commercial et différer sur un espace extérieur. Là, donc ici, on est dans l'entrée orientale de la ville, et la ville se trouve là-dessous, malheureusement. Alors là, ça pose d'autres problèmes. On est dans le port antique et on est dans les faubourgs, par ici, les faubourgs extérieurs de la ville. Donc, par chance pour le centre commercial, il a dévolu son projet sur la partie extérieure des remparts et on a mis en place des fouilles de sondages et des sondages pour vérifier que la nouvelle implantation du promoteur ne comportait pas de risque, de risque archéologique. Et il se trouve que, comme je faisais partie de l'équipe de fouilles qui était en cours de la fouille programmée, on m'a proposé aussi, puisque j'habitais Marseille et que j'étais dans le coin et que la plupart des fouilleurs, en fait, étaient des fouilleurs qui faisaient leur école de fouille de l'école française d'Athènes. Donc la fouille programmée se faisait un mois ou deux par an, ou parfois par deux campagnes. Donc ça n'allait pas assez vite. On ne pouvait pas compter sur ces fouilleurs pour vérifier le risque archéologique de l'autre partie, parce qu'ils n'allaient pas attendre 10 ans de construire leur centre commercial. On m'a demandé, et j'ai été contractualisée, je crois que je suis parmi les premiers fouilleurs d'archéologie urbaine d'urgence payés par une entreprise en France. Et j'ai retrouvé récemment mes salaires de deux entreprises, Fougerolles et Girard. Les deux entreprises Fougerolles de bâtiments, bien connues, et l'entreprise Vivian et Girard, qui est une entreprise aujourd'hui bien connue des monuments historiques, puisqu'à partir de cette période-là, ils ont commencé à se spécialiser dans l'intervention de restauration des monuments historiques en centre urbain. Donc, je fais un peu un monument, regardez-moi. et c'est la première mise en place d'une procédure d'archéologue d'entreprise de construction, chose qui n'existait pas, qui aujourd'hui est très courante et qui a donné lieu à la mise en place de ce qu'on a appelé à l'époque, comment ça s'appelait, qui est aujourd'hui l'INRAP, à l'époque ça s'appelait L'AFAN, merci. Donc c'était l'Association pour les fouilles de l'archéologie nationale, et qui est une association qui a été mise en place pour mettre à disposition des archéologues pour itinérer dans la France sur tous les projets urbains, les projets d'autoroutes, les projets ferroviaires, et qui a fait une espèce de grosse équipe d'intervention en urgence. C'est vraiment le début, avec les 30 Glorieuses aussi, c'est-à-dire dans toutes les grandes villes, on a mis en place des développements de cœurs urbains et des constructions de parkings, et dans toutes les villes avaient par la suite leur équipe de l'AFAN qui préparait justement les sondages et qui reconnaissait aux grandes dames des constructeurs. On est devenus des maudits, des équipes maudites, parce qu'on entravait les grandes entreprises de construction françaises. Et parallèlement à cette mise en place, justement, la législation nationale a commencé à développer toutes sortes d'attendus et d'aspects sur ces obligations pour les entrepreneurs de mettre en place des fouilles programmées, de faire des sondages, d'avoir des archéologues, de payer les fouilles, d'éventuellement modifier les projets, d'intégrer l'idée de conserver in situ dans le projet, modifier le projet en question et de conserver in situ des vestiges ou de les démonter, enfin, etc. Toute une panoplie de dispositifs qui ont été mis en place à partir de ces années-là et qui maintenant, je crois, sont un peu rentrés dans les mœurs. Je crois que même certains promoteurs s'en font plutôt gloire en disant « Nous avons découvert et nous sommes heureux d'avoir intégré dans notre projet urbain ou dans notre projet de parking la conservation des vestiges de ceci, cela, d'installer des parois vitrées pour montrer. » Enfin, ça devient un peu maintenant une réalité. Un peu partout, c'était le cas à Paris, sur le parvis de Notre-Dame, où vous avez un musée de sites qui est conservé, etc. C'est donc devenu quasiment un plus, mais il a fallu des années pour que soit intégrée cette notion Tout ça, c'est pour rassurer nos camarades égyptiens ou d'Algérie, par exemple, qui ont peut-être plus de difficultés à sensibiliser leurs autorités à la conservation des vestiges en milieu urbain en particulier. Et à Alger, la fouille actuelle de la place des Martyrs, qui est une fouille pour la construction d'une grande station de métro au cœur d'Alger, a permis la découverte des dépendances d'une grande mosquée ottomane, des vestiges d'une basilique chrétienne, des vestiges d'activités d'entrepôts d'époque romaine et les vestiges des soubassements du grand hôtel de la Régence qui se situait sur la place d'Alger, qui sont conservés, qui vont être mis en espace et qui vont faire l'objet d'un musée de site in situ qu'on pourra visiter en descendant à la station de métro qui est en cours de construction, dont la bouche va être livrée en décembre 2016. Et donc parallèlement, un musée de site va être développé et mis en place. Donc les choses arrivent. Et la notion de patrimoine fait son chemin. Moi, je suis quand même optimiste. Il faut du temps, il faut aussi beaucoup de persévérance et beaucoup de gens formés pour aboutir à ces situations. Donc, les fouilles, comme vous pouvez le dire, mettent en évidence l'évolution de la ligne de rivage antique, puisqu'on a l'espace terrestre que vous avez vu, on a le port antique. Je reviens en arrière, pardon, et l'existence de la ville grecque qui n'était connue que par les textes. Voilà, on est évidemment sur les terrains qui étaient construits par les maisons que vous avez vues au préalable. On a le quai du port d'époque romaine, et on a ici des dispositifs d'entrepôts et de bassins. Donc on est en milieu terrestre, paradoxalement, donc c'est une fouille terrestre qui met au jour le port. Il faut imaginer qu'ici on est dans la vase marine, et sous le port, sous le quai du port romain, daté par la céramique, etc., etc., par la typologie, on voit mal ici, parce que la photo n'est pas de bonne qualité, mais il suffit de le savoir, on a aussi découvert les bâtardeaux en bois du port grec, c'est-à-dire que le port grec, et on va le découvrir plus tard, dans un autre espace un peu plus à l'ouest de ce rivage de Marseille, à la hauteur de l'hôtel de ville de Marseille, on va découvrir la suite du quai de ce port, donc qui rentrait à l'intérieur des terres. On va découvrir le port grec lui-même sous cette forme-là. Et donc on sait que le port grec était uniquement figuré par des appontements en bois, il n'y avait pas de structure en dur, et c'est le port romain qui installe une structure en dur, puis le port paléochrétien, etc. Donc on a l'évidence, si vous voulez, la preuve que les eaux rentraient absolument jusqu'à l'intérieur de ce rivage, et qu'on est ici dans le site éponyme de la fondation, puisque les textes de la fondation racontent que le port se trouve en profondeur à l'intérieur des terres de ce site bien placé. Oups, comment j'ai fait ça? Qu'il est installé en bordure de la source d'eau douce qui sort, qui jaillit de la vase à cet endroit. Et donc on a ici, vous verrez plus tard, un grand bassin d'eau douce qui est le bassin de captation qui a été installé dès l'arrivée des Phocéens pour recueillir cette eau douce, parce qu'il n'y avait pas d'eau à Marseille, et pour donc installer le port au plus près de cette source fondamentale pour l'installation de la ville. On voit mieux le mur de Crinas, comme vous le voyez là, ce n'est pas le mur de Crinas, je reprends. On voit mieux le mur du quai romain, ici, avec cette ligne-là des parements du quai, ce qu'on appelle des balanes, qui sont ces coquillages se situent, qui sont bien identifiés parce qu'ils ils vivent à la hauteur de la ligne de flottaison, de la ligne de rivage. C'est-à-dire même s'il y a une petite marée en Méditerranée, et là elle est connue, elle est d'1,50 m ou quelque chose comme ça, en tout cas à l'époque antique, elle a été repérée par les géomorphologues qui travaillent sur les lignes de rivage dans la région. Il y a un gros atelier, un gros laboratoire, le CEREJ, qui travaille sur les lignes de rivage à la fois à Marseille et dans le golfe de Fos et dans le delta. Donc on rejoint nos préoccupations d'évolution des bras du Rhône, hein, qui a beaucoup changé aussi, un peu comme on l'a vu pour le Nil. Et le CEREJ travaille sur le delta du Rhône et a repéré par toutes sortes de sondages et de circulations d'alluvionnement les différents bras et leur écartement et les positionnements de ports, en particulier autour de fosses qui s'installent en fonction des bras du Rhône. On a des confirmations effectivement de la ligne de rivage jusque dans Marseille par le positionnement de ces balanes qui se situent à 1 mètre X, qui nous a permis de connaître par comparaison avec d'autres implantation de ces balanes sur d'autres lieux pour la même époque, qu'on était à 2,50 m ou quelque chose comme ça, plus bas, que le rivage était plus bas, puisque l'eau apparaît là maintenant, hein, et donc le rivage de l'époque antique se situait à cette hauteur-là du quai. Donc on avait bien de l'eau en profondeur jusqu'au fond du quai, jusqu'à ce moment-là, et que petit à petit, le niveau a baissé et la ligne de rivage a changé jusqu'à aujourd'hui le vieux port de Marseille. Vous voyez aujourd'hui comment ça se présente. Donc on est sur un site qui a été mis en valeur. Donc on a ce fameux quai que vous avez vu tout à l'heure. L'eau est figurée par une pelouse. Vous avez ici un parement en élévation d'une des tours. Vous avez l'axe de la voie qui rentre dans la ville. Donc la ville se trouve malheureusement sous tout ce quartier du Vieux-Port et du Panier, donc encore construit depuis le XVIIe siècle, même depuis l'époque médiévale. Vous avez ici le mur de Crinas. Vous avez ici un ensemble d'entrepôts qui a été conservé. Vous avez ici ce fameux ce fameux centre commercial qui a été construit pendant les fouilles et différé donc de cet espace d'archéologique. Voilà comment aujourd'hui se présente ce site, et avec ici le musée d'histoire de Marseille dans sa configuration actuelle, qui a bien changé du début, mais voilà, qui était de toute façon une construction sur cette implantation et qui a été créée, dont la décision a été de le créer justement, ça fait partie des négociations, donc ça fait partie des négociations qui sont passées entre la ville de Marseille et le ministère de la Culture, à savoir la ville de Marseille a réclamé un espace de 10 000 mètres carrés construit et cédé à titre gracieux par le ministère de la Culture pour en faire, à l'époque ça devait être un lieu culturel, polyvalent, culturel, peut-être de théâtre, de scène, d'activités, de danse, etc. Et très vite, la décision a été prise, intelligemment, je dois dire, par Gaston Defer, probablement bien conseillé quand même par ses élus, par les archéologues à l'époque, d'en faire un musée de site, de faire le musée de site, du site archéologique qui serait conservé et mis en valeur. Le site lui-même étant considéré comme la première salle du musée, on y rentrait dans le musée par le site archéologique. La voie d'entrée se faisait ici, et on entrait dans le musée par là, et le musée se développait de part et d'autre du site, de cette manière-là. On va en voir d'autres images. Le musée raconterait l'histoire même du site et l'histoire des abords du port et des abords de ce site. Ce qui fut fait avec des évolutions. Donc, Vous voyez ici, on est toujours dans le port, comme si on était en bateau dans le port. Vous avez ici ce grand bassin d'eau douce qui a été commencé au 6e avant et puis dont la structure en dit la date de l'époque hellénistique aussi, avec la mise en place de différents dispositifs à l'intérieur, une roue à aube comme une saquée pour monter l'eau par exactement le même système datant du 3e avant Jésus-Christ et pour le répartir probablement dans un accès de canalisation ici pour que les bateaux arrivant en bout de quai s'approvisionnent en eau douce et repartent naviguer. Donc un dispositif sophistiqué. Voilà, on est ici à l'intérieur de... Malheureusement, les photos peuvent pas descendre. Je suis un peu étonnée parce que j'ai pris des photos qui, sur mon PowerPoint, descendent. Et là, elles sont plus basses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal... Parce que là, en fait, on est à l'intérieur du bassin d'eau douce. Là, vous avez, la cavité centrale du moyeu de la roue à aube, du dispositif, comme le tronc, si vous voulez, qui rentre dans le mur. Et contre le mur, je me débrouille mal avec ce truc. Contre le mur, ici, ce mur, et vous en avez les traces, vous avez plaqué une roue horizontale qui est dentée et qui rentre dans un dispositif comme un petit canal en bas. Exactement comme ce qu'on a vu pour la saquée. Et c'est pour ça que je suis embêtée de ne pas vous montrer le trou, mais vous l'imaginez, qui tournait comme ça et qui avait une autre roue horizontale qui, ici donc une roue verticale avec une autre roue horizontale qui versait dans une canalisation dont un des parements se trouve là. Il faut de l'imagination, mais vous connaissez le dispositif. Qui transportait jusque cette partie du port de l'eau douce qui permettait d'approvisionner, de faire couler comme un gros tuyau, couler l'eau douce dans des réserves ou dans des amphores qui se trouvaient à bord du quai pour les bateaux. Ici, un détail qui est en lien aussi avec l'évolution du rivage. Vous avez ici le parement du quai du mur du quai romain, du port romain. Vous avez ici une série d'escaliers qui permettaient d'aborder des petits chargements, des petits cargos qui déposaient leur charge sur ce premier quai et puis ils étaient transportés vers des entrepôts à l'arrière. Il y avait probablement ici le dispositif de la personne qui accueille et qui va faire, ça a un nom, j'ai oublié, quelqu'un va me le dire, qui fait le décompte de la marchandise et qui note ce qui est importé. Il y a un scribe qui enregistre tout ce qui est déposé et qui va être transmis dans les entrepôts. Il y a un nom, et puis il y a des scènes, on les a vues sur les scènes pharaoniques de ceux qui accueillent les bateaux et qui écrivent, qui font la liste de ce qui est débarqué. J'ai oublié. Bon. Et ici, on voit... une réorganisation du port qui est bien datée du 6e siècle après Jésus-Christ. Déjà le tirant d'eau a beaucoup baissé. L'eau ne va pas au-delà, l'eau du port, enfin l'eau qui circule. La marée ne va pas au-delà. Et on construit un nouveau quai au 6e après qui va être le bout du port et donc qui est en rétraction de l'époque du 6e. Et sur ces espaces que nous avons fouillés, donc détruits, sur ces espaces au-delà de ce quai, on aura un espace terrestre sur lequel on va trouver plusieurs petits ateliers qui sont installés donc dans la terre, désormais meubles, mais plus maritimes, des ateliers de déchetterie, d'un certain nombre d'industries qui sont toujours situées en dehors de la ville et en bordure du port, parce que le port sert de poubelle, comme vous le savez bien. C'est formidable pour les archéologues. Donc on a découvert deux ateliers, un atelier de travail du cuir, donc avec des déchets de découpe de cuir, des objets en cuir, des chaussures en quantité, des bourses en cuir et en très bon état. En très bon état, pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans la vase marine et ça, la vase marine permet la conservation en milieu anaérobique de matériaux biodégradables. Matériaux organiques et tout un atelier de déchetterie aussi animale, c'est-à-dire d'ossements, à la fois d'abattage, de découpage de viande et accolé travail de l'os avec débitage, avec toutes les phases de débitage, depuis les coupes dans les os jusqu'au polissage des ossements, à la fabrication des objets, des pains, des lettres, des dés, enfin donc une richesse de conservation grâce à ce milieu marin effectivement aussi, ou marécageux plutôt. Et donc une activité postérieure qui s'installe là, en bordure du port et en lien avec le port du 6e après, qui malgré l'absence d'un aussi important tirant d'eau, est d'une vivacité très importante. Et on le sait grâce aux fouilles qui ont été réalisées également dans ce port et qui ont permis la découverte magistrale d'une très grande densité d'importation de céramique africaine. Donc c'est un travail qui a été réalisé par Michel Bonifay du laboratoire du centre de Camille Julian et qui a développé grâce à ces découvertes importantes. Oui, il faut que je regarde l'heure. Grâce à des 9h57, oula, je mets du temps là. Grâce à des découvertes importantes, mais c'est pour raconter aussi l'apport à la fois de la découverte pour la mise en valeur par la suite. Et là, il s'agit d'une découverte qui est importante pour la recherche parce qu'elle a permis d'avoir un panel beaucoup plus large et beaucoup plus important et contemporain, d'avoir une stratigraphie qui permettait de hiérarchiser la connaissance de ce qu'on appelait autrefois la DSP, c'est-à-dire les diverses sigillées paléochrétiennes qu'on mettait un peu toutes dans le même sac, c'est le cas de le dire, et dont Michel Bonifay a pu réaliser des origines d'ateliers différentes à travers les motifs, le type de cuisson, les formes, etc. Donc un très beau travail qui montre aussi l'activité du port du Marseille au 6e après, alors que c'est un port qui ailleurs, jusqu'au presque 8e, qui ailleurs en Méditerranée, dans cette partie de la Méditerranée, correspond à une période noire et obscure parce qu'on a l'émergence de la navigation arabe, des populations arabes qui s'installent dans la partie occidentale de la Méditerranée et qui commencent à pirater, à prendre le pas. Donc on a des épaves sarrasines, par exemple, au 8e, 9e siècle après Jésus-Christ dans cette zone. Mais Marseille, comme à son habitude, commerce toujours avec les autres. L'importance de Marseille, c'est que c'est un port avant d'être une ville, un port stratégique. Et Marseille, que ce soit du 6e avant au 21e après, a toujours privilégié justement ses alliés via le commerce et non pas au sein d'une ville, au sein d'un pays dont elle estime qu'elle ne fait pas partie, même s'il s'agit d'une nation. Et toute l'histoire de Marseille correspond à ça. Et même aujourd'hui, Marseille la rebelle. Pourquoi ? C'est parce que c'est un port et qu'elle fait sa vie indépendamment du reste des intérêts nationaux. Donc, on a trouvé dans ce port en milieu anaérobique des épaves de bateaux de commerce en quantité, donc on a réussi à en conserver. Ça a permis de développer aussi la recherche en matière de conservation des bois gorgés d'eau. Donc dans le cadre de la mise en place justement de ce musée de site, il a été décidé de conserver tout ce qui sortait du port et de lancer des opérations un peu expérimentales de conservation des bois gorgés d'eau, ce qui a été le cas de cette épave de la Bourse qui a été conservée sous pression atmosphérique, donc par lyophilisation, une grande première aussi. Donc oui, un laboratoire d'expérimentation plus ou moins réussi, mais extraordinaire parce que ça a permis de développer d'autres types de recherches, donc d'où l'importance de ce développement. Par la suite, avec d'autres fouilles qui se sont déroulées dans le cœur de Marseille, un peu plus dans le port de Marseille, mais un peu plus vers la mairie, on a découvert d'autres épaves avec l'équipe de Patrice Pommet, dont vous avez déjà entendu parler ici, qui a dirigé avec Antoinette Hénard les fouilles qu'on appelle de Jules Verne, de la place Jules Verne en fait, au pied de la mairie. Donc découvert d'autres bateaux en quantité, décision de conserver. Le musée d'histoire est un musée de bateaux et de maquettes. Donc la décision de conserver les objets eux-mêmes qui témoignent de ces commerces. Voilà ici un des deux bateaux, un des plus anciens bateaux découverts à Marseille, qui est une petite barque de 9 mètres de long, qui est une barque dont la construction navale est particulière. C'est un petit bateau assemblé par ligature, donc c'est la première barque découverte en Méditerranée occidentale, parce qu'on en connaît en Méditerranée orientale, assemblée par ligature, c'est-à-dire que ce sont des bateaux cousus, qui donc probablement ont été fabriqués certainement à Marseille, dans les chantiers navals de Marseille, qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc qui a été réalisé par les marins venus de Fossé avec leur tradition de savoir-faire de charpenterie navale de Méditerranée orientale, de l'Asie mineure, donc des témoignages extraordinaires de transmission de savoir-faire sur cette rive occidentale qui a donné lieu, JV9, à tout un travail magnifique de construction d'une réplique navigante qui aujourd'hui navigue et qui a permis par la construction, par toutes les opérations de relevé, de maquettes, puis de construction de la réplique navigante, de tester la fiabilité comme Mohamed l'a fait pour le bateau de Rosette. Donc toute une mise en place de réflexion sur la vérification et validation des gestes et de la fiabilité de ce type de construction, de ce qu'on pouvait faire. Ce bateau était un bateau de pêche à corail. On a retrouvé du corail coincé dans les planches du bateau. Et pourquoi j'y suis là? Tiens. Ah, il y a un truc qui s'est mis en arrière. C'est bizarre. Donc, vous avez ici une vue aérienne que je voulais vous montrer tout à l'heure. Ça s'est bien mélangé, pardon. Donc le quai du port antique est dans la prolongation, me semble. Déjà parce qu'on n'a pas... Il y a le port d'aujourd'hui et de l'autre côté, là, et la photo n'est pas prise entièrement. Je suis désolée. Et dans le musée, donc, on raconte l'histoire de la ville, et le musée a changé d'orientation légèrement. Parce qu'au fur et à mesure de la découverte d'autres fouilles dans la ville, on a décidé, puisqu'il n'y avait pas d'autres musées pour recevoir les produits de ces fouilles, on a décidé que le musée de site, du site simplement de la Bourse, serait élargi à un musée de l'histoire de la ville, que ce soit pour l'Antiquité et pour les autres périodes, parce que vous savez que, surtout dans une fouille urbaine, on peut trouver bien sûr les stratigraphies jusqu'au plus profond, mais on commence par les stratigraphies contemporaine et qu'on a comme ça une lecture de la ville au travers du temps. Donc on a décidé de raconter l'histoire de la ville au travers de toutes les périodes et ça a pu se faire au fur et à mesure et être alimenté au fur et à mesure de la découverte par secteur malheureusement, pas en fouilles programmées, par uniquement des fouilles d'urgence aujourd'hui, c'est-à-dire des fouilles qui sont réalisées systématiquement à l'occasion d'autres projets urbains qui sont essentiellement des parkings et qui permettent quand même d'avoir des bribes de connaissances sur certaines périodes. Un coup, on a un atelier de potier du 13e siècle après Jésus-Christ. Un coup, on a des maisons romaines du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, on est obligé de donner des espèces de focales sur des parties extrêmement bien renseignées de la ville de Marseille, mais forcément lacunaires. Alors, j'ai au moins jusqu'à 15, parce que j'ai commencé à... C'est 40 minutes, mais bon, c'est pas grave. Ah, tout le monde a fait une heure. Tout le monde a fait une heure, là, chaque jour. Bon, hein. Ils vont me la laisser, mon heure. Mais je n'ai pas quasiment fini, puisque maintenant, j'illustre tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc un gros développement dans le musée autour du commerce avec les typologies des produits qui étaient, que l'on commerçait, qui est toujours cette triade méditerranéenne avec donc ça c'est l'ancien musée, mais c'est pareil, aujourd'hui on représente les mêmes choses. Donc on a réalisé une maquette de la ville antique, voilà, j'en étais là. Bref, non, ce que je voulais, c'était montrer les produits, c'est-à-dire le vin, l'huile et la saumure et les céréales, donc la triade qui pérennisait en Méditerranée. Donc après ça, on essaye de montrer ce qu'était la ville avec son organisation spatiale suite. Beaucoup de choses autour de la navigation, les ancres, des maquettes de bateaux, le matériel découvert du 16e avant, les bateaux eux-mêmes, remettre en scène effectivement l'importance des fouilles sous-marines et des fouilles urbaines, et puis au travers du temps, toujours cette même pérennisation de ce qu'est Marseille, avant tout un port d'importation, exportation, rediffusion. Ici on a l'époque médiévale, on est avec une nef des croisés et une nef donc du 15e siècle après, le matériel toujours de cette époque-là, et puis donc toujours au 19e, un port industriel, un port commercial avec toute la Méditerranée, aujourd'hui le port de Fos. Et aujourd'hui ce qui a changé, c'est que le site est encore plus mis en valeur qu'avant, puisqu'avant on visitait le site en lien avec uniquement la période antique. Aujourd'hui la nouvelle direction du musée a mis en place un dispositif de parcours au-delà du site archéologique. Donc vous avez ici le site archéologique que vous voyez. Vous êtes ici, vous sortez et vous prenez l'ancien décumanus et vous allez jusqu'au Mucem. Et tout le long de ce décumanus, on a mis en évidence soit des monuments antiques, soit les espaces des monuments antiques par un système de QR code que vous avez là, que vous pouvez mettre sur votre smartphone, et vous pouvez continuer à visiter le site de Marseille, même s'il n'est pas visible, de façon virtuelle. On vous projettera sur l'existant, les images, soit de ce qu'on a découvert en fouille qui a été détruit, soit ce qui peut exister en dessous, soit une proposition modélisée de ce qu'on peut y trouver. Donc voilà, on continue à mettre le site et la ville en valeur à travers ce type de dispositif virtuel et en utilisant les vestiges existants. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. De toute façon, mon heure est arrivée, donc je vous en remercie. Mais